Frelaté. L'émission des vieilles chansons. Bonjour, bonjour, bienvenue à tous dans cette deuxième édition de Frelaté. Et on va découvrir ensemble de nouvelles vieilles chansons. Sympa comme formule. Et on va commencer par une chanson que vous connaissez sûrement, mais dans une version que vous ne connaissez sûrement pas. C'était Mambo No. 5 par Pérez Prado. La chanson date de 1949. Alors si vous ne connaissiez pas cette version, vous en connaissiez au moins la reprise faite par Lou Béga en 1999. Le compositeur original de cette chanson est donc Pérez Prado, chef d'orchestre cubain qui fut surnommé le roi du mambo. Cet homme composa tellement de morceaux qu'il décida de ne plus leur donner de nom mais des numéros. C'était l'anecdote inutile mais amusante. Voilà. Et tout de suite, on passe à la suite. On arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tout le bonheur. Ah, ah, ah, ah oui. D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. La ira, la ira, yeah. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour. On est heureux comme des fous. Merci patron, merci patron, merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend. Nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes. Ah oui. Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges. Like, yes. Merci patron. Attendant ce jour pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir. Ah oui. Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. Like, yeah. Nous serons patrons. À vous le plaisir de travailler pour nous. Vous serez heureux comme un fou. Nous serons patrons. Ce que vous avez fait pour nous, nous le referons pour vous. Et il est plus petit que le jardin de ma tante. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'était Merci Patron, chanson des Charlots sortie en 1971. Sous ces dehors de chansons rigolotes, on peut y voir une vision intéressante de la vie ouvrière et la vision sociale de celle-ci au début des années 70. Cela étant dit, les Charlots restent un groupe comique qui commence d'ailleurs à avoir un grand succès à cette époque. En 71, ils sont d'ailleurs apparus dans deux films, La Grande Java en 1970 et Les Bidasses en folie en 1971. Je ne jugerai pas de la qualité de ces films, mais allez-y jeter un coup d'œil si vous avez du temps à perdre, ne serait-ce que pour constater ce qu'étaient les films comiques français de ces années-là. Restons dans les chansons humoristiques avec la chanson suivante. Assis sur le bord de ma couche, je quitte le traversin pour réintégrer les babouches. Il est déjà matin. Coiffé d'une casquette en plomb, la trompe comme un compteur, je cherche mes esprits à tâtons. Je m'éveille en douleur. Le pyjama en tire-bouchon, une flèche dans les reins. Je bougonne et je fais le grognon jusqu'à la salle de bain. S'évanouir ma nuit, la pulle molle au coin des yeux, je renais à la vie. Une main grattant la tignasse, l'autre le bas du dos. Je fais en me regardant dans la glace, pipi dans le lavabo. Hier soir, quelle ambiance y avait. La vache, qu'est-ce qu'on s'est mis? Maintenant, sur le bord du bidet, je continue ma nuit. Thank you. Voici l'instant où le réveil commence à me gagner. La brosse à dents derrière l'oreille, je fais chauffer du café. À quatre pattes, dans la lumière blafarde du frigo, je scrute la denrée nourricière par 5 au-dessous de zéro. Puis vient le moment où la biscotte me pète entre les doigts, l'heure où il y a des petits bouts qui flottent en surface du kawa. Je te dis, la vie n'est qu'une tartine surmontée d'un étron. Prostré dans le fond de la cuisine, je veux du bolochon. C'était Polochon Blues de Richard Gottener, sorti en 1977. Ah, Gottener. J'ai déjà parlé de lui lors de l'émission précédente, et j'ai du mal à voir ce que je pourrais dire de plus. Enfin, il y a sûrement un tas de choses que je pourrais dire, mais c'est mon côté flemmard qui m'interdit de pousser plus loin les recherches. Je redirai juste que c'est un de mes chanteurs favoris. Et c'est sûrement pour cette raison qu'il se retrouve encore une fois dans la playlist de cette émission. Passons donc à autre chose et partons vers le rock anglais. We'll be right back. C'était Making Times par le groupe anglais The Creation, sorti en 1966. The Creation est un groupe anglais, donc, assez peu connu en France et même en Angleterre. Ce groupe, créé en 1966, a surtout eu son petit succès en Allemagne. Enfin, en Allemagne de l'Ouest ou en RFA pour les plus binailleurs. On peut ajouter que le guitariste de ce groupe, Eddie Phillips, aurait été démarché par les Who, mais aurait refusé. En tout cas, c'est selon Wikipédia, Wikipédia qui est, nous le savons tous, la meilleure source de renseignements sur le web mondial. Et l'on va rester dans la langue anglaise avec la chanson suivante, que vous avez sûrement déjà entendue, du moins en partie, si ce n'est entièrement. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, a bird. C'était Surfing Bird du groupe américain The Trashmen, sorti en 1963. The Trashmen, oui, je sais que vous ne vous lassez pas d'entendre mon magnifique accent anglais, est formé en 1962 à Minneapolis, dans le Minnesota, aux États-Unis. Donc, cette chanson, Surfing Bird, a connu un grand succès et elle a atteint la 4e place au Billboard Hot 100, je suppose. Fin 1963, le Billboard Hot 100, hein, je ne vais pas me compliquer la vie, est un classement hebdomadaire établi par le magazine Billboard sur les 100 chansons les plus populaires des États-Unis. Une sorte de top 50, mais en top 100 si vous voulez. La chanson a été utilisée par de nombreux films et de séries télévisées. On peut citer par exemple dans le film Le Vilain d'Albert Dupontel ou dans la série Les Griffins. Elle sera aussi reprise par quelques groupes dont les Ramones ou les Beach Boys. Cette chanson serait d'ailleurs inspirée de deux titres du groupe The Rivingtons que nous allons écouter maintenant et vous allez voir que ce n'est pas seulement inspiré. Oh,

Et même s'il est plein de défauts, c'est lui que j'ai dans la peau. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, c'est quinquet, c'est en biais, c'est un fait, tel qu'il est, il me plaît. Il est carré, mais ses épaules, par du carton, sont rembourrées. Quand il est tout nu, ça fait drôle, on n'en voit plus que la moitié. Il n'a pas un seul poil sur la tête, mais il en a plein sur ses gambettes. Et celui qu'il a dans la main, c'est pas du poil, c'est du crin. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, c'est quinquet, son temps biais, c'est un fait, tel qu'il est, il me plaît. Vous venez d'écouter Tel qu'il est, chanté par Fréhel, enregistré en 1936. Fréhel est une chanteuse française réaliste, comme Aristide Bruand, si vous vous souvenez de l'émission précédente, du début du XXe, née sous le nom de Marguerite Boulch. Elle commence à chanter à 15 ans, en 1906, sous le nom de Pervenche, et se fait connaître à partir de 1908, où elle changera de pseudonyme et se fixera sur Fréhel, son premier album étant sorti en 1908 sous le pseudonyme de Pervenche Fréhel. Bien qu'ayant du succès, sa vie sentimentale agitée finit par l'amener dans l'alcool et la drogue vers la fin des années 1910. Elle fait son retour en 1925 et connaîtra un deuxième souffle dans l'entre-deux-guerres, faisant même du cinéma. La chanson « Tel qu'il est » fut reprise, elle, en 1967, par Nancy Holloway. Et on passe à la suite. It's oh so quiet. It's oh so still. You're all alone. And so peaceful until you fall in love. Zing, boom, the sky up above. Zing, boom, it's caving in. Wham, bam, you've never been so nuts about a guy. You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die. Till it's over and then it's nice and quiet. But soon again, starts another big riot. You blow a fuse, zing, boom, the devil cuts loose. Zing, boom, so what's the use? Wham, bam, of falling in love. It's all so quiet. It's all so still. You're all alone. swell. You almost have a fit. This guy is George and I got hit. There's no mistake, 'cause this is it. Till it's over and then it's nice and quiet. But soon again starts another big riot. You blow a fuse, zing, boom, the devil cuts loose, zing, boom, so what's the use? Wham! I've fallen in love. The sky caves in, the devil cuts loose, you blow, blow, blow, blow, blow your fuse, ah, when you're falling in love. C'était It's Oh So Quiet, chanté par Betty Hutton en 1951. La chanson est une reprise de, et je m'excuse d'avance à tous ceux qui parlent allemand, Und Jetzt ist es still, de Erich Schmeider et Hans Lang, qui avait été interprété par Harry Winter en 1948. Alors, si vous ne connaissiez pas cette version, vous aviez des chances par contre de connaître la version de Björk qu'il avait chantée en 1995. On va parler un petit peu de Betty Hutton, actrice et chanteuse américaine. Un de ses rôles les plus marquants, c'est celui d'Annie Oakley dans Annie du Far West en 1950, ou Annie Get Your Gun en version originale, où elle chante Anything You Can Do I Can Do Better en duo avec Howard Keel, une chanson qui a été reprise plusieurs fois sur l'internet. Mais si ça ne vous dit rien, et que vous avez déjà joué à Fallout 4, avec la radio allumée, sachez que vous avez déjà entendu sa voix, car sa chanson It's a Man passe sur Radio Diamond City. Mais pour l'instant, vous êtes toujours sur Radio Poivron, et on continue avec de vieilles chansons. Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voiler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, plus on voit briller son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit chacun s'entraîne, on peut la nuit jouer de la sirène, nous contraindre à faire le soir en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, des mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Et quand les restrictions abondent, gentiment il en prend son parti. Paris sera toujours Paris. On a beau réduire son essence, on ne réduira pas sa confiance, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Bien que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala, on élimine les chinchillas et les hermines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins provocante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris sera toujours Paris. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus de prix. Paris sera toujours Paris. C'était Paris sera toujours Paris de Maurice Chevalier, enregistré en 1939. On sent que cette chanson a été composée durant une atmosphère de guerre, et ici on tente de faire percer la joie dans des moments sombres, même si la France est encore loin d'être occupée. Maurice Chevalier, même si ce nom ne vous dit rien, vous avez sûrement déjà entendu son timbre de voix, car les studios Disney l'ont sorti de sa retraite en 1970 pour qu'il chante le générique des Aristochats. D'ailleurs, il le chante aussi bien en version française qu'en version anglaise, car Maurice Chevalier avait aussi fait une courte carrière à Hollywood dans les années 30. Et on va continuer sur les chansons de temps de guerre avec la chanson suivante. Chanter ses terres plein d'entrain en arrivant au camp. Tous les petits poilus joyeux apprirent leur repas et bientôt tout le régiment entonna gaiement. On ira prendre notre linge sur la ligne Sigrid pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre notre linge sur la ligne Sigrid, à nous le beau linge blanc. Les vieux mouchoirs et les chemises à papa, en famille on lavera tout ça. On ira prendre notre linge sur la ligne Sigrid, si on la trouve encore là. Washing on the Siegfried line, have you any dirty washing, mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. The weather may be wet or fine, we'll just run along without a care. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, if the Siegfried line's still there. C'était « On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried » de Ray Ventura et ses collégiens. c'est le nom du groupe, hein, Ray Ventura et ses collégiens. Chanson composée par Jimmy Kennedy et Michael Carr, paroles françaises de Paul Misraki. La chanson fut écrite juste après la déclaration de guerre de 1939, et soldats anglais comme français la chantaient en montant au front. La ligne Siegfried était, entre guillemets, l'équivalent de la ligne Maginot française. Cette chanson est intéressante, car elle montre l'enthousiasme qui régnait au début de la Seconde Guerre mondiale. Bon, elle sait parler de la guerre, passons à complètement autre chose avec la chanson suivante. C'était Think, chanson d'Aretha Franklin de 1968, mais la version que vous avez entendue ici, c'est la version de 1980, extraite du film Les Blues Brothers. Cette chanson est ici car je l'adore, j'adore aussi les Blues Brothers, que ce soit le film ou le groupe d'ailleurs, et je profite de cette visibilité qui m'est offerte avec cette émission pour me vanter, et oui, car j'ai vu les Blues Brothers en concert. Alors évidemment, il n'y avait pas John Belushi vu qu'il était un peu mort et Dan Aykroyd avait déjà raccroché depuis un moment, mais c'était quand même vachement cool. Aretha Franklin et la chanson Fink, il y a plein de choses à dire dessus, mais bon, j'ai passé mon temps à me vanter et il faudrait faire des recherches, puis les recherches c'est fatigant et vous le savez, je suis feignant. Alors on va passer juste à la chanson suivante. Souvent lorsque ça va mal, quand je n'ai pas le moral, quand je sens mes nerfs qui craquent, ou lorsque je suis patraque, pour me mettre dans le bain, je connais un bon moyen. Dans un verre d'eau sucrée, je prends pour me remonter du silicate anhydrique, le magnésium, du pas du sulfur gaïacolate de potassium, du glycérohydrate monoammoniacal, du bichlorhydrate mylénique officinal, de l'orthodioxybenzène notocoférol, du gaz oxypropanédiol en ampoule, de la binophénisulfonatrophénamide, de l'hexachlorocyclohexanesculoside, de l'acide alinisopropyl barbiturique, de l'éthervasyl ammoniumprofil phosphorique, de l'acétylaménéphénylarsinazole, du gaz oxypropanédiol en capsule. Rien ne vaut, je le proclame, les vieux remèdes de bonne femme. Mon grand-père, d'un geste fier, en sortait de sa tabatière. Papa qu'était estafette, en avait dans sa musette. Et quand j'ai passé mon bac, je trimballais dans mon sac. Bah du silicate anhydrique de magnésium, du poids du sulfo gaïacolate de potassium, du glycérohydrate monoammoniacal, du bichlorhydrate mylénique officinal, de l'orthodioxybenzène notocoférol, du gazoxypropanédiol en ampoule, de l'aminophénisulfonatophétamide, de l'hexachlorocyclohexanesculoside, de l'acide alivisopropyl barbiturique, de l'éthervasyl ammoniumprofil phosphorique, de l'acétylaménéphénylarsinazole, du gazoxypropanédiol en capsule. Et si vraiment ça ne va pas mieux, pas mieux, pas mieux, je prends deux ou trois aspirines et un sucre. C'était Crépo, non, non, c'était pas Crépo, c'était Crexi, non, Crésoxypropanédiol. C'était Crésoxypropanédiol en capsule de Ginette Garcin, sorti en 1966 sur des paroles de Jean Yann et une musique de Jean Bedzouroff. C'est cadeau, tous ces noms. Alors Ginette Garcin est une actrice et une chanteuse française que j'ai voulu vous faire découvrir avec cette chanson parce que la dame mérite franchement du respect de pouvoir chanter tous ces noms improbables d'une seule traite. Je dis non improbable parce que je pense que ce sont des noms inventés, mais je ne suis pas chimiste, hein. Dites-le moi si je me trompe, je ne suis pas à une erreur près. Et voilà, cette émission est désormais finie, c'était l'avant-dernière chanson. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie des chansons d'avant et en ma compagnie. Je vous laisse sur une chanson qui est trop récente pour entrer dans le format de l'émission, mais dont il aurait été dommage de se priver. C'était Célache, bonne fin de journée sur Radio Poivron. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Compatriotes, je serai le président de tous les Français, de tous les Français. Je mesure la difficulté de la tâche qui nous attend. Tous les Français, tous les Français. Je veux tout, tout, je veux tous les Français. Je veux tout, tout, je veux tous les Français. Je veux tout un État, je veux tous les Français. Je veux un état, je veux un état vigoureux, un état impartial, un état vigoureux, un état exigeant, un état vigoureux, un état impartial.